Chapitre 4e. Rabascas, marchant distraitement comme un homme qui se promène, vit Browning dépasser le cabaret et s'engager dans une ruelle voisine. Il comprit instantanément le but de son associé. L'Américain cherchait un poste d'observation afin de se rendre compte, sans être vu, de ce qui se passait dans l'établissement du dernier des rapins. Mais, presque aussitôt, le mystérieux individu ressortit du cabaret et, à grandes enjambées, gagna la rue du Mont-Cenis, dont il dégringola les escaliers avec une folle rapidité. Browning lui emboîta le pas. Rabascas, à qui rien n'échappait, vit l'homme s'arrêter brusquement et remonter les marches. La rue était absolument déserte. L'inconnu, à l'improviste, se rua vers Browning et d'un coup de poing en pleine face, l'étendit sur les marches, inerte. Puis, l'ayant saisi par les épaules, il le traîna vers une palissade en ruine, toute proche entre deux maisons en construction. Rabascas ne vit plus rien. L'inconnu et Browning avaient disparu derrière la clôture de bois. Le Bordelais, à pas rapide, se dirigea vers la palissade et regarda à travers l'interstice existant entre deux planches. Il put voir que l'inconnu était agenouillé sous Browning et s'occupait à lui explorer les poches. En trois bonds, Rabascas arriva sur les deux hommes. L'inconnu se redressa, tira un poignard de sa poche, mais pas si vite. Rabascas, d'un coup en plein front de la courte massue de caoutchouc qui ne le quittait jamais, l'étendit net à ses pieds. « Je crois que tu as ton compte pour l'instant, » murmura-t-il, satisfait. Il remit sa matraque dans sa poche et se pencha sur Browning. Il put aussitôt constater que son associé avait été frappé avec un coup de poing américain et que c'était miracle si Browning n'avait pas eu le front brisé. Non sans peine, Rabascas le fit revenir à lui, et tandis que l'Américain se frottait la tête, le Bordelais entreprit de fouiller l'homme qu'il avait si bien arrangé. Dans ses poches, il trouva un portefeuille avec un passeport au nom de John Pilcotts, citoyen britannique, plus quelques banknotes anglaises, et pour environ 1 000 000 de francs en billets de banque. Un permis de conduire, au nom de Jean Perrier, se trouvait dans une autre poche. Rabascas trouva également un petit carnet, dont les pages étaient recouvertes d'annotations au crayon. Mais ce n'était ni le lieu ni le moment de l'examiner. Le Bordelais empocha le tout. « Il faut maintenant ramener ce gibier chez nous, » murmla Browning, qui entre-temps avait complètement repris ses esprits. « On va le ranimer et lui demander s'il préfère nous suivre ou être livré à la police. » Et il, Rabascas haussa les épaules. « Il nous suivra ? Et après ?» murmura-t-il, s'il ne veut pas parler, somme toute, nous n'avons aucune preuve contre lui, et s'il portait plainte, que répondrions-nous, hein? Nous risquerions même d'être coffrés. Heureusement que j'ai mieux que cela. Que voulez-vous dire? Arrive ici, je vais t'expliquer, mon vieux. » Et Rabascas, saisissant le bouton de la veste de son compagnon, l'entraîna de l'autre côté de la palissade. « Mais s'il revient à lui, il va nous échapper !» exclama Browning, mécontent. « D'abord, il ne reviendra pas à lui tout de suite, j'ai tapé fort, et puis c'est justement ce que j'attends, qu'il s'échappe. »« Naturellement, il rejoindra ses copains, nous le suivrons, et nous connaîtrons où se cache la bande, c'est simple. »« Tu vas tout de suite changer ton camouflage pour ne pas être reconnu au cas où il t'apercevrait, tu le suivras et on remettra ça. »« Avant ce soir, il faut que nous soyons renseignés, pas de temps à perdre, car nous ne devons pas être les seuls sur la piste, ça va ? All right. » acquiesça Browning. Rapidement, il se dévêtit dans un recoin de la palissade. Il retourna son pantalon et son veston, se colla une moustache postiche sous le nez, changea son chapeau mou contre une casquette qu'il avait dans sa poche et alla se poster derrière la muraille en ruine, délimitant le terrain vague. Rabascas ressortit dans la rue du Mont-Cenis et pénétra dans la maison faisant face à la palissade où un appartement était alloué. La fenêtre de la loge de la concierge donnait sur la rue, détail que le Bordelais avait remarqué. Rabascas entra chez la portière. Il demanda des renseignements sur la maison, sur l'appartement, sans qui du nombre de pièces, de la hauteur des plafonds, du prix du loyer, des impôts, puis passa à un autre chapitre. Il complimenta la concierge sur le goût avec lequel était ornée sa loge, raconta qu'il avait lui-même plusieurs concierges dans sa famille, bref, bavarda de tout et surtout. La concierge, qui n'avait rien de mieux à faire, lui donna complaisamment la réplique, et naturellement, Rabascas, tout en parlant, ne perdait pas de vue la palissade bordant le terrain vague. Soudain, il en vit sortir l'inconnu. L'homme, très pâle, titubait comme un homme ivre. Il atteignit la double rampe de fer fixée au milieu des escaliers, et pendant quelques instants, y resta appuyé, comme s'il attendait que ses forces le revinssent. Mais Rabascas, à qui rien n'échappait, vit que l'individu jetait de temps à autre des regards investigateurs autour de lui. Évidemment, il était moins faible qu'il voulait le paraître. Sans doute se méfiait-il et cherchait-il à donner le change. Il se redressa enfin, se frotta doucement le crâne à l'endroit où il avait été frappé par la matraque du Bordelais, et avec des mouvements lents, remonta les escaliers. Rabascas le vit disparaître dans une rue transversale. Alors, tirant brusquement sa montre, le Bordelais s'écria. « Déjà 1 heure, bigre, je suis en retard. Je repasserai, chère madame, vous donner une réponse cet après-midi. Il faut que je consulte ma femme. Et qu'est-ce qu'elle va me dire d'être ainsi en retard? Je vous salue, madame. » Et sur ces mots, Rabascas bondit hors de la loge. « Il est fou, sûrement, cet homme, » maugréa la concierge. Rabascas était déjà loin. Ayant embouché la rue dans laquelle l'inconnu avait disparu, il put reconnaître, à quelques dizaines de mètres en avant de lui, la silhouette de Browning et se rassura. Tom Browning, en effet, avait habilement emboîté le pas à son agresseur, mais cette fois avec plus de prudence. L'Américain avait appris à ses dépens à ne pas sous-estimer l'astuce de celui qu'il filait, et il ne voulait pas être surpris une deuxième fois. L'inconnu, qui devait admirablement connaître le quartier, gagna la rue Lamarque, et après s'être arrêté pour s'assurer qu'il n'était pas suivi, s'engouffra dans l'escalier de la station du Nord-Sud. Browning le laissa prendre son billet et le vit pénétrer sur le quai. Il se garda bien de l'y suivre, de peur d'être reconnu. Mais au moment où un train entrait en gare, l'Américain passa rapidement devant l'employé du contrôle et se jeta dans un wagon, après s'être assuré naturellement que le mystérieux personnage ne restait pas sur le quai. L'énigmatique individu descendit à la station de Pigalle, gagna le quai du Métropolitain et prit un train allant dans la direction de Villiers. Il descendit à cette station, remonta la surface du sol et se jeta dans un taxi qui passait. Ce fut si vite fait que Browning n'eut que le temps de voir disparaître l'auto dans la direction de Saint-Augustin. L'Américain ne se découragea pas pour si peu. Aucune autre voiture n'était en vue, mais un autobus passait, filant dans la même direction que le taxi. Browning réussit à le rejoindre et à y prendre place. Penché sur la plateforme, il vit le taxi prendre de l'avance, mais par chance, un embarras de voiture l'obligea à ralentir un peu plus loin. Browning en profita pour descendre de l'autobus et rejoindre un taxi vide, au chauffeur duquel il ordonna de suivre la voiture qui emportait l'énigmatique personnage. Ce dernier vraiment prenait ses précautions. Pendant 3 longues heures, son taxi fila à travers Paris. Il s'arrêta enfin sur le boulevard des Italiens, devant l'immeuble du Crédit Lyonnais. L'homme paya le chauffeur et s'engouffra dans l'établissement financier. « Il va certainement sortir de l'autre côté, c'est classique », pensa Browning, qui ordonna à son chauffeur de filer vers la rue du 4 septembre. L'Américain ne s'était pas trompé. Le temps d'arriver devant la grande porte du Crédit Lyonnais, sur la rue du 4 septembre, il en vit sortir un homme qui aussitôt se dirigea vers la bouche du métro voisine.